Bonjour à tous, bienvenue à la première émission de La Fal Fans. On va dire que c'est la première émission officielle, parce que comme vous savez, l'année passée, on a fait une période de test, où on a présenté trois émissions pendant les séries éliminatoires. On vous a dit, si ça va bien, La Fal Fans revient. Bien, effectivement, cette année, on revient dès le premier match de la saison. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a eu tout près de 700 téléchargements par émission. Donc pour nous, c'est un succès. Maintenant que j'ai dit ça, ben je suis pas tout seul. On est quatre ici dans notre studio. À ma gauche, j'accueille Beau. Salut. Comme l'année passée. Bonjour. Notre mathématicien, statisticien, notre fouine, celui qui est capable de scruter. Disons qu'à ce moment, je suis peut-être pas à l'avant-garde comme j'étais à l'habitude. C'est le début de saison pour tout le monde. C'est le camp d'entraînement. En face de moi, j'ai notre photographe attitré, Charlie. Yes, salut, bonsoir. Bonsoir Charlie. Et à ma droite, on reçoit cette semaine Luc Brodeur-Jourdain. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour. Caroline, c'est le fun d'être tout le monde ensemble. Hey Luc, cette chaise-là, elle tient? Oui, il n'y a pas de problème. Comme les deux autres qu'on a cassées, c'est correct? Non, celle-là est correcte, okay, correct. Bon. Pas de risque de blessure. Tout est correct. Il faut dire aussi, ça paraît pas là, en studio, mais Luc est à 2 km avec sa voix, on l'entend très bien. Ça s'approche. Avant de commencer, je veux dire, tout le monde se rappelle que la dernière émission, ça s'est terminé parce que, le Rouge et Or a connu la défaite. Évidemment, dans les défaites, je veux dire, on a tous le cœur gros, mais c'est pas toujours les choses qu'on veut retenir. Tantôt, en pré-entrevue avec Luc, on a parlé un petit peu justement de ça, la défaite, puis de ce qu'on a discuté, moi j'ai retenu que justement, pour toi la défaite, ça t'a permis de voir ça d'une autre façon, d'un autre œil en fait. Ben ouais, comme je t'expliquais, tu sais, pour nous autres, la défaite en tant que telle, si tu me demandais le score auquel on a perdu, autant à Saskatchewan qu'à St. Mary's, tu sais, moi, le souvenir que j'en garde, c'est vraiment les personnes avec qui j'ai joué le dernier match. Cette partie-là à St. Mary's l'année dernière, moi, c'est de repenser à Dwayne John, Pierre-Luc Yao, Éric Maranda, Rudy Jean Petitfrère. Vraiment, ces gars-là, que c'était leur dernière partie universitaire, c'était la dernière fois que j'étais en contact avec eux, point de vue football. La dernière partie que j'ai disputée avec eux, autant en 2005 que c'était Dominique Picard avec Pierre Tremblay, Miguel Robédé, et puis Éric Poirier, il y avait... L'autre, c'était... C'est vrai que pour terminer une carrière universitaire, c'est pas génial de terminer sur une note comme ça. Puis pour les coéquipiers, ça doit être crève-cœur de pas amener un peu la victoire. De permettre d'avoir la victoire à ces personnes-là qui ont donné tant au programme au travers différentes années. Des fois, c'est juste une première année. Toi, tu te sens comme une recrue encore. T'sais, moi, j'étais à ma deuxième année, puis je me sentais encore, j'étais jeune pour le programme en 2005, deuxième année, puis c'était encore, pour moi, j'estime que j'ai été chanceux dans mon timing à mon arrivée à l'Université Laval, parce qu'à mon année recrue, il y avait eu le départ de Carl Gourgue et puis Éric Ménard et... il y avait Jean-François Jonca aussi qui était parti, donc ça ouvrait des postes sur la ligne offensive. Puis moi, j'avais été capable de réussir à me tailler une place dans l'alignement, mais quand tu es à ton année recrue, ça va quand même assez vite. Puis à ma deuxième année, je me sentais encore extrêmement jeune pour le programme, mais on tisse des liens assez forts entre nous dans l'équipe. Puis vraiment, pour moi, en 2005, la défaite qu'on avait vécue en Saskatchewan... pour Dominique Picard, Pierre Tremblay sur la ligne offensive, ça a été quelque chose de gros pour moi de me dire que c'était la dernière partie. Dans le cas de Dominique Picard, il y avait un possible retour à l'époque, mais ça restait quand même la dernière partie que j'ai jouée avec ces deux bonhommes-là qui ont marqué mon cheminement dans le Rouge et Or. Donc, aussi Miguel Robédé, c'est sûr qu'une opportunité d'apprentissage qui était assez... intense. Que, parce que tu pratiquais en face de lui. Là. Exactement, tu sais, de pratiquer 5 jours semaine avec Miguel Robédé en avant de toi, puis Marc-André Dion aussi à l'époque, puis Michael Jean-Louis. Donc, c'était un trio assez infernal pour une première année en 2004, quand tu sors du circuit collégial. Tu sais, moi, je connaissais déjà Michael Jean-Louis du fait que je l'affrontais quand on affrontait Lennoxville. Quand t'arrives universitaire, puis là, t'as Miguel Robédé, puis Marc-André Dion, qui était à sa cinquième année, tu sens que ça va vite. Oui, Éric Poirier aussi. Oui, Éric Poirier, c'était un ailier défensif, donc c'était moins... j'étais moins en contact avec Éric Poirier, mais par contre, ça reste un joueur que j'ai apprécié beaucoup durant mon stage. Mais jouer avec. Écoute, tu parles des recrues, tout ça. On voulait parler immédiatement des Carabins, mais le fait que tu parles des recrues, je pense qu'on va faire immédiatement le tour justement des nouveaux venus avec le Rouge et Or. Oui, c'est une belle parce que, en fait, encore là, de ce que je retiens de ce que tu viens de dire, puis j'ai bien aimé, c'est qu'on apprend beaucoup de ceux qui vont avoir été là, les vétérans, bien entendu. En effet. Là, cette année, avec les nouveaux, je sais pas, toi, Beau, Charlie. Vous avez vu le match pré-saison, toi tu t'es entraîné avec eux. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu qui va se démarquer peut-être un peu plus cette année? On commence par qui? Ben écoute, moi, je trouve vraiment les recrues, il y en a plusieurs, c'est vraiment intéressant. C'est une bonne cuvée. Hein? Oui, c'est une très belle cuvée. Il y a Samuel Lavaux que j'ai hâte de voir aller, mais là, bon, ça a l'air de falloir que je sois un petit peu plus patient. Mais je commencerai peut-être par... Je parlais de Samuel Lavaux en premier parce que pour moi, c'est une grosse acquisition d'aller le chercher à Vanier. Si je me trompe pas, c'est le premier qu'on va chercher là. J'ai oui dire qu'il y en avait eu un autre il y a quelques années. Ouais. Il serait probablement le deuxième. Mais je pourrais pas vous dire le nom de la personne. Non, moi non plus, Vanier. C'est pas le château fort de Zorogéor pour son recrutement. Alors, c'est, déjà là, ça, c'était une très grosse acquisition. Mais... Mathieu Bouvette, à le voir aller au match contre Western, sérieux, là, oh boy! Je pense qu'en fin de semaine, il en a impressionné plus d'un, en fait. Ah oui! Il nous a f... C'est plate ce que je vais dire, il m'a fait oublier Julian Fioli, que je l'adore beaucoup, là. Il est vraiment très bon. Je trouve Mathieu Bouvette a fait la même chose que Julian Fioli nous a fait en 2007. Exact. On est arrivé, puis on est tombé la gueule à terre, puis on a regardé ça... Qui lui? Il arrive de où? Ah, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? C'est qui ce gars-là? Deux touchés, bon, c'est... Mais comment dire, c'est une très bonne performance pour Mathieu Bouvette pour un premier match. Puis je pense qu'il a réussi à démontrer que, tu sais, le stress de la recrue pour la première fois que tu embarques sur le terrain, il a montré qu'il arrivait à performer, puis qu'il était capable de gérer son stress. C'est sûr que il va avoir d'autres conditions au niveau de sa carrière ou des fois peut-être qu'il va être plus stressé, mais pour un premier match universitaire, j'espère qu'il est bien content de ce qu'il a vécu parce que c'était quelque chose d'assez exceptionnel. T'sais. Première partie, deux touchés, puis avoir fait des attrapés comme ça... aussi aisément, d'une facilité, d'être aussi confortable dans le système, il a très bien fait pour un premier match. Puis, en plus, tu parles pour être confortable dans un système, mais il y a aussi le fait que souvent un premier match universitaire, puis en plus un premier match universitaire joué avec le Rouge et Or, devant une foule, c'était pas la plus grosse, mais quand même, un 8-9 000 personnes, je connais bien des endroits à travers la Ligue canadienne qui seraient bien contents d'avoir ça. Ça aussi, ça montre que le jeune a déjà beaucoup d'aplomb. Mais il y a une autre affaire. Écoute, faire ses classes là, comme receveur actuellement à l'Université Laval, il y a 3-4 ans, c'était peut-être différent, mais il y a quand même Matt Leblanc. Leblanc qui est de retour. Fioli qui est en deuxième année, mais il a tellement bien fait en première année. Écoute, on est obligé de le considérer comme un des bons. Il y a Lavigne Mars, il y a Victor Tremblay, oui. Qui est à sa deuxième année, Victor. Guillaume Blais-Normand aussi. Oui. Pas piqué des verres. Avez-vous l'impression que ça va être justement peut-être une année pour les receveurs? Ça va dépendre, à mon avis, aussi de la forme de Benoît Gros. Mais là, on l'a vu, là, sérieux, il a l'air en forme, le gars. Puis j'ai parlé après le match avec lui. Là, il a l'air en forme physiquement, mais entre les deux oreilles aussi. Là, on se le cache pas, là, le football, ça se joue entre les deux oreilles d'abord. Oui, puis Benoît Gros, pour nous, c'est tout un carrière, puis on est chanceux à cette position-là d'avoir autant de profondeur, puis autant de compétition à l'interne, parce que c'est aussi ça, qui est important de comprendre, c'est que tant et aussi longtemps que tu sens que tu as de la compétition, ça te pousse à aller plus loin, puis à performer plus. Donc, je pense qu'avec César Roberto Sanchez Hernandez, puis aussi avec Benoît Prudhomme, Bruno, pardonnez-moi. Bruno Prudhomme. Pas te reprendre, hein? Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais comment dire, avec autant de profondeur au niveau des corps arrière, je pense qu'on est choyé. On parlait des recrues. On continue. Est-ce qu'on continue encore dans ce sujet-là? Parce que moi, j'ai dans les receveurs, j'ai noté aussi Jérémy Rabeau. Là, j'ai trouvé il y avait de l'allure. Il a moins paru que Mathieu Bouvel, mais mon Dieu, il était. Il a quand même fait une bonne prestation. Oui. Puis moi, au point de vue des demi-arrières, sérieux, là. Sébastien Lévesque. Je l'appelle, je lui ai donné un nom, là, un petit nom là, de kid. Sérieux, là, il a l'air de le petit maudit là, dans la classe là, qui se faufile partout. Là, dans les rangs, là, non, il s'en va le premier. Mais tu me disais, tu disais qu'il n'est pas de même du tout. Là. Non, en tout cas, depuis le début du camp, il s'est montré comme une personne assez calme. Mais c'est sûr que quand vient le temps son niveau d'excitation sur le terrain de football, là, c'est complètement une autre personne qu'en dehors du terrain que j'ai connu jusqu'à maintenant. Durant les pratiques, il est toujours très intense. Il revient au caucus et puis il est toujours prêt à repartir pour un autre jeu. Puis il félicite sa O-line pour le dernier jeu. Il est toujours bien content quand on réussit à y ouvrir des trous. Puis qu'il court. Il y a une énergie, il y a une vitalité quand il est sur le terrain. C'est ça, c'est sûr. Il est en pleine forme. Mais là, on parle beaucoup de l'offensive. À la défensive. Oui. Est-ce que... Ben, moi, ce que j'ai remarqué, puis j'en parlais justement l'autre jour avec Étienne Légaré, ce qu'il n'y avait pas l'année passée, il n'y avait pas de profondeur sur la défensive, sur la ligne défensive. Les gars ont travaillé fort, ils ont travaillé beaucoup. Ils étaient fatigués, ils étaient blessés, ils avaient mal partout. Il n'y avait pas beaucoup de remplaçants pour la ligne défensive. Cette année, il y en a beaucoup. Un gars qu'on n'a pas vu beaucoup, que j'ai vu beaucoup plus en camp d'entraînement, on a vu quand même un peu contre Western, mais pas autant que j'aurais voulu, Philippe Lemire. Moi, ce gars-là, je l'aime beaucoup. Il a une face de kid, il a vraiment une face d'un jeune Flo, c'est terrible, il me fait rire. Il a vraiment une baby face, mais il a l'air d'avoir beaucoup d'agressivité, beaucoup de chien, je pense que ça va être un bon nose. Je pense que ça va être un joueur de ligne défensive très dominant pour les années futures. C'est toute une acquisition, tant qu'à moi, même en tant que vétéran de cinquième année avec le Rouge et Or, il n'est pas le fun à bloquer. Il est gros. Il est gros, puis il est très fort physiquement. Il sait comment prendre les blocs. Il sait comment se positionner. C'est sûr, comme toutes les recrues, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la compréhension, vitesse d'exécution. Il y a une grande différence de vitesse d'exécution entre les deux niveaux. Puis, c'est sûr, point de vue technique et le travail sur les mains. Mais ça, on rentre dans des points techniques. Mais en tant que tel, pour l'athlète qu'il est, je pense qu'il y a beaucoup d'années et beaucoup de potentiel à donner à l'Université Laval. C'est devant lui. Oh oui. Écoute, là, on fait le tour des recrues et tout, mais bien entendu, là, vous avez eu votre match pré-saison qui a été, tout le monde est d'accord, je pense que ça a bien été. Là, tout le monde était content un peu de la façon dont ça s'est passé. Oui. Ça va rester un match pré-saison. Le vrai match arrive. En effet. Le vrai match... Ça va être contre les Carabins. Exact. Je ne sais pas c'est quoi votre feeling. Moi, je veux dire, à chaque année, quand les Carabins arrivent, je viens tout excité. Je suis énervé. Là, c'est le premier match. Je veux dire, moi, tu fais des pipis nerveux. Ça n'a pas de bon sens. Ben, disons que la tension n'est pas aussi forte qu'elle l'a été dans le temps que... Elle n'est pas aussi forte, puis... C'est en 2005 là, que ça a fait du gâteau. Ça a brassé. Mais juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je suis à la conférence de presse. La conférence de presse Rouge et Or Carabin, c'est la conférence de presse où ils doivent ajouter des chaises. Parce que tous les journalistes sont là. Tout le monde est là pour le couvrir. C'est pas compliqué. Il y avait une table complète de plus avec au moins une quinzaine de personnes. C'était complet à la grandeur. La conférence de presse, pour la première fois, a duré grosso modo 7 minutes. Aucune question à la fin. Les deux entraîneurs, Glenn, Justin, ont parlé. Personne n'a répliqué quoi que ce soit. 10 minutes, tout le monde était en train de manger. C'était la première fois, moi, que je le voyais comme ça. J'ai fait « Oh, OK, ça a changé. » Déjà là, ça a changé. Moi, ça ne m'empêche pas d'être bien excité. Parce qu'en fin de semaine, moi, évidemment, je m'attends à des belles choses. Toi, Charlie, je sais pas comment tu vois les choses. Là, évidemment, toujours la fébrilité d'un match Québec-Montréal. Bon, Philippe, on le sait, on a tous les deux habité à Montréal. On est allé détester les Carabins sur leur terrain. On les déteste maintenant à Québec. On a du plaisir avec ça. Mais moi, j'ai l'impression que ce que j'en ressens présentement, c'est que les Carabins ne sont plus une menace. On a du plaisir à jouer contre eux autres. On aime les détester. On n'a plus peur d'eux autres. Au début, oh, ça arrivait, ouais, ils venaient nous faire peur un peu aujourd'hui. Non, non, non. On le sait qu'à chaque point, à chaque match, par une fois où est-ce qu'ils ont été chanceux, ils l'ont gagné. Depuis le temps, on n'arrête pas de les battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis depuis le temps non plus, ils n'ont pas passé proche de gagner une seule game. Fait que je pense que l'intérêt est là, mais à savoir si c'est vraiment une menace, les Carabins, Concordia est beaucoup plus une menace que les Carabins. Oui, mais c'est un couteau à deux tranchants, ça. Je trouve que ça vient pas de moi. Wayne Rollins, dans son top 27, disait le pire ennemi du Rouge et Or, c'est l'ennui. Dans le sens qu'il n'y a pas d'équipe assez forte pour nous donner une opposition dans la Ligue puis dans l'Atlantique. On peut s'ennuyer, tout ça. Dans le temps que les Carabins, disons qu'ils compétitionnaient avec nous autres, on avait à être vigilant, puis ben là, quand on arrive en série, on était gonflé à bloc. Moi, je sais pas ce que t'en penses de ce que je dis, là. Ouais, de votre côté. Ben moi, point de vue joueur, je pense que cette année, les Carabins vont me donner probablement du bon fil à retordre, parce que pour eux, leur défensive. C'est leur grosse force. Oh, un gros front seven, puis autant aussi les demi-défensifs, je pense qu'ils vont donner un bon challenge à nos receveurs. Mais le front seven, on parle, c'est sûr qu'avec l'acquisition de Jonathan Pierre-Étienne, qui est un transfert de Rutgers aux États-Unis, donc puis qui avait fait de très belles années au Vieux-Montréal avant de partir, je pense que ça leur donne, des bons éléments clés au niveau de la ligne défensive. Puis je pense que avec Josh Guess, qui est le secondaire du côté court, qui est un joueur, un très très bon joueur, contre qui j'ai joué là, je pense que c'est à sa troisième année. Il est à sa troisième année maintenant. Depuis qu'il est rentré dans le circuit, moi je trouve que c'est un joueur qui réussit à faire des belles choses, puis il est difficile à prendre dans une mauvaise position. Des fois, on veut faire déborder les secondaires pour revenir au niveau de la course, puis il est toujours en bonne position. Donc, c'est un joueur clé, tant qu'à moi, dans leur défensive. Puis, c'est sûr, avec Martin Gagné, puis Mathieu Brassard, je crois, l'allié défensif, je suis pas sûr du prénom, mais les alliés défensifs, là, je pense que ça a été, unanime au niveau de nos bloqueurs. Je pense que c'est le challenge qu'ils ont à chaque année avec Brassard et puis Gagné. Puis l'année dernière, ils ont ajouté une recrue à l'intérieur qui était Grégory Alexandre, issu du Vieux-Montréal également. Puis moi, j'avais trouvé qu'il avait extrêmement bien fait, autant contre nous que contre les autres équipes. À chaque fois qu'on regardait du vidéo, je pense qu'il est capable de très bien jouer. Puis pour qu'est-ce qui est du front seven, on a un bon challenge, mais aussi, tu sais, c'est une équipe qui est bien dirigée au niveau défensif. Denis Touchette, le coordonnateur défensif, toujours fait des bons ajustements. C'est toujours des bonnes choses, c'est ça. Oui. Donc, au niveau de la défensive, je pense que ça va être un bon match pour nous. Un bon challenge tout de suite en partant au début de la saison. Exactement. Puis en plus, tu parlais entre autres de la préparation vidéo qui est faite l'année passée. Mais cette année, là, la chose qui va être un peu différente, c'est qu'il y a un peu d'incertitude. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment eux vont se présenter et tout. Puis, C'est les seules choses sur lesquelles on peut se fixer, c'est sur ce qui est déjà arrivé. Donc, chaque coordonnateur, autant offensif que défensif, arrive avec de nouvelles idées à chaque année, de nouvelles psychologies, un nouveau style de jeu. Donc, on a toujours un petit côté d'inconnu Mais en même temps, tu sais, on peut pas réinventer le football à chaque année. Il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qu'on a déjà vues. Mais des fois, c'est de réussir à contrer une tactique défensive qu'on n'avait jamais vue, puis pas se laisser surprendre. Donc, c'est pour nous, là, la ligne offensive, en tout cas à ma position, on est bien excités à propos de cette partie-là parce que tout de suite en partant, on a un gros challenge. Un vrai défi. Puis, c'est des bons athlètes qu'on va affronter, qui évoluent dans un bon système également. Exactement. Écoutez, je pense que tout le monde commence à avoir un peu soif. Parce qu'on parle pendant longtemps, vous vous en rendez compte? Je veux juste faire un petit résumé un petit peu. On parle du match là, des Carabins. Il y a quelques petites choses qui vont se présenter au match, autant à l'avant-match que pendant le match. Donc, comme tout le monde le sait, c'est le 400e de Québec. Et le 400e, cette année, s'est associé avec le Rouge et Or. Donc, pour ceux qui vont participer au tailgate, il va y avoir un groupe de musique qui va être là pour faire de l'animation. Les gens du 400e vont être là. Mais le gros clou de la journée, ça va être à la mi-temps. En fait, le 400e va honorer des grandes personnalités de Québec, dont le papa, M. Tanguay, et le fils Jacques Tanguay, M. Rousseau, maintenant d'Info 800, mais aussi celui qui s'occupait du... M. Claude Rousseau, directeur du tournoi de hockey mondial. Tournoi de hockey mondial. Quelques athlètes qui vont être honorés. Puis, un super spectacle qui va être présenté à la mi-temps, c'est les Lost Fingers. Donc, pour ceux qui sont des amateurs, je pense qu'on va avoir un bon spectacle à la mi-temps. Le Charlet, je sais que la portion musicale, c'est ton petit bébé à toi. Aujourd'hui, tu nous fais ça autrement. Mais on t'écoute. Oui, c'est mon petit bébé à moi, mais aujourd'hui, j'avais envie d'avoir un petit coup de main. Les mordus de Laval Fans, du forum et de nos certains articles vont se souvenir qu'avant les fêtes, on avait demandé aux joueurs du Rouge et Or qu'est-ce qu'ils écoutaient dans leur iPod, dans leur MP3. Avant un match, qu'est-ce qui les crinquait. Aujourd'hui, j'ai demandé à Luc, c'est lui qui est notre vedette aujourd'hui, on lui a demandé, écoute Luc, qu'est-ce que tu écoutes dans ton MP3? Luc, qu'est-ce que tu m'as répondu? J'ai hésité longuement entre One de Metallica, mais finalement j'ai opté pour Bulls on Parade de Rage Against the Machine. Bulls on Parade, Rage Against the Machine, ça va être juste pour Luc. Rock on! Full of shells. Bulls on a Parade, Rage Against the Machine. Luc, yes. Le sang coule-tu plus vite dans tes veines, non? Ça va te frapper? Je suis top notch. Ready to go. C'est un peu en avance pour un avant-match, là, mais quand même. Tu vas mal dormir à soir. Hein? Bon, c'est assez Speedy Gonzalez. Good. Hey, les gars, je veux savoir, le concours Chunky, là, comment ça a été là, à Toronto? Chunky. C'était pas Chunky? Oui, Chunky. C'est rendu. Maintenant, je dois admettre que ça a tellement été le fun que c'est rendu ma soupe vraiment préférée. Ah oui. Mais ça moi va... aussi. À tous les jours, du jour ou de la nuit, Chunky, c'est mon nouvel ami. Alors, ouais, sérieux, ça a été absolument génial. Là. On va faire le tour vite, mais grosso modo, ça a commencé dès qu'on est arrivé à Toronto avec l'immense limousine. On pensait qu'on allait rentrer à 4, 6 dans la limousine, parce qu'il y avait deux groupes de gagnants, nous plus des gens de l'Ouest. Puis la limousine est arrivée, on était sûr que tout le monde rentrait dans la limousine, mais non, c'était que notre limousine. Donc, c'est une combien de pieds, Charlie? 20-25 pieds. En tout cas, la grosse limousine qu'on voit arriver. Là, on a rentré 10 là-dedans sans problème. On est rentré 10, c'est vrai. On est rentré à 10 dedans, c'était impeccable. Donc, on est arrivé, on avait notre limousine, c'est pas compliqué. Ils nous donnaient le cellulaire. Après ça, pour avoir accès à la limousine, c'était on appelait sur le cellulaire, était disponible pour nous toute la fin de semaine. Ça commence comme ça, on s'en va à l'hôtel. C'est vraiment encore là un hôtel. Bon, c'est peut-être pas le plus high class, mais vraiment la grande classe. On n'avait vraiment pas à se plaindre. On avait un superbe panier, gracieuseté de Chunky. Exactement. Avec nos chandails. En rentrant tout de suite, le panier Chunky avec écrit Laval Fans. Vous avez ramené votre panier pour vos blondes, tu sais. Non, on l'a mangé le panier. Oui. Parce que, on a eu un super party, mais justement, on a eu tellement un beau party. Que les soirs de retour de party, écoute, il fallait se sustenter. Il n'y en a pas d'Ashton, hein? Fait que nous autres, on a mangé de la bonne soupe Chunky, puis on en a mangé plus qu'il fallait. Hein? Ça, c'est pas un problème là-dessus. Deuxième journée, c'est la journée de la Coupe Vanier. La journée où on a commencé à rencontrer... Ouais, ça a été la première journée, la journée de la Coupe Vanier. C'était le jour qu'on est arrivé. Oui, c'est vrai. Le titre du concours, ça s'appelait Tailgate with the Pros. Puis on se demandait toujours, ah ben tu sais, on va sûrement rencontrer un ou deux gars de la CFL. Puis ça va être intéressant. Et pour nous, les gars de l'Est, on était au match de la Coupe Vanier juste avant que le fameux fémur se casse. On s'en va, c'est Étienne Boulet qui est là, puis qui vient s'occuper de nous autres. Et nos amis de l'Ouest ont J. Roy Simon des BC Lions qui est là pour s'occuper d'eux autres. Fait que la jasette avec Étienne toute la soirée, ça a été bien le fun. Bien trippant. Le lendemain, ben, c'est la journée promotion. La journée où on est allé se balader, entre autres, dans l'espèce de rue de tailgate qui était organisée pour la Coupe Grey. Habillé Chunky de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. C'est écoute, obligé, ça? Ben, obligé. D'une certaine façon, je te dirais que c'était... une façon de leur dire merci parce que le prix était quelque chose. On parle d'une valeur de 4 500$ pour 3 jours à Toronto. Tout à fait. Donc, écoute, c'est sûr que c'était une belle façon. On a fait des photos avec Chunky, Étienne Boulet. Il y avait aussi notre nouveau chum, qui est d'ailleurs un lecteur de Laval Fans. Maintenant, oui. Jason Claremont. Jason Claremont. Qui nous écrit encore, puis qui est un lecteur de Laval Fans, un fichu de bon gars. On a pu voir sa belle bague aussi de la Coupe Grey. Tout un bonhomme. Depuis ce voyage-là, moi, je regarde vraiment la CFL d'une autre façon. D'une autre façon. Ça a été bien fun pour ça. Écoute, ça s'est poursuivi, je pense, c'est le soir même où on a rencontré celui qui allait devenir aussi notre très bon ami de la soirée. Mike O'Shea. Mike O'Shea. Le célèbre secondaire des Argos de Toronto et un autre secondaire qui, malheureusement, n'est plus avec les Stampeders, mais Scott Coe, avec qui on a passé une soirée au son de Great Big Sea. The Great Big Sea. On a tellement eu de plaisir, écoute, ça n'avait pas de bon sens, que le plancher a explosé sous nos pieds. Puis quand je dis explosé, c'est réel. C'est-à-dire que la scène a été fermée, l'endroit où on était installé. Tout ça, c'est de la faute à Mike O'Shea, qui était trop de bonne humeur, puis qui voulait qu'on saute, puis qu'on défonce. Merci, grâce à Mike, ça on a vraiment manqué de rien ce soir-là. Non. C'était très intéressant. Il avait tendance à être excellent pour aller chercher la bière. Il se faufilait très bien. Ouais, hein. C'est secondaire, il se présentait bien. On avait des beer holders un peu partout qui nous aidaient à tenir nos consommations. Puis, ben, écoute, la journée du grand match, la journée de la Coupe Grey, c'est la journée où nous, on s'est installés. On parlait de la veille, on s'était baladé avec les couleurs de Chunky. Le lendemain, on s'est installé, mais avec nos couleurs du rouge et or. Ah, excuse-moi, mais Luc, on a rencontré Luc aussi. Samedi soir qu'on a rencontré. C'est le samedi soir, exactement, parce que je me disais, on n'avait pas nos couleurs du rouge et or à ce moment-là. On avait nos chandails du rouge et or. Vous les aviez. Ah oui, on sortait. Ouais, alors, exact. On s'était mis avec des belles couleurs. Ben oui, ben oui. Exactement. T'étais-tu déguisé? Non, mais... Non, pas ce soir-là. Pas ce soir-là. On avait nos tucs chunky, mais on avait nos chandails du rouge et or. Luc, toi, t'étais là pour les banquets All Canadiens? Exactement. On avait reçu l'invitation pour aller voir la partie également de la Coupe Vanier. Par contre, nous, on n'est pas restés pour la Coupe Grey. On avait d'autres obligations. Hein. Pour nous, c'est la fin de session aussi en même temps, donc... on était revenu pour faire débuter les périodes d'examen, mais comment dire, ça a été une bonne expérience pour nous autres là, d'aller à Toronto, puis de voir comment ça s'était passé dans la ville, les deux événements liés ensemble, la Coupe Vanier et la Coupe Grey pour une première fois, donc c'était, comment dire, pour nous, on s'en allait voir ça aussi, là, puis c'est quand même, c'est surprenant, moi j'ai été surpris, je sais pas si tu vas être surpris là, mais la grosseur des activités qui entourent la Coupe Grey. On a beau dire, bon, c'est juste la Coupe Grey, c'est pas le Super Bowl, c'est big. Oui, c'était big. Sérieusement, c'est impressionnant de voir à quel point ils monopolisaient, comment dire, toute une rue au complet. Ah oui, puis moi, j'ai pas été là pour les autres soirées. J'ai rien vu de qu'est-ce qui était de la Coupe Grey, mais en tout cas, pour la soirée de la Coupe Vanier, il y avait du monde partout. Puis, comment dire, il y avait des activités en dehors sur la rue, c'était quand même quelque chose. C'est pas le Super Bowl, mais on a de quoi être fier de notre produit. Franchement, là, c'est une super belle fête. Moi, j'ai adoré être là. Moi aussi, j'ai adoré. Puis, dans le fond, pour en venir à la journée du match, ben là, ça a été évidemment le point culminant. On parlait qu'on avait mis nos chandails du rouge et or pour sortir, pour se mettre beau bonhomme, mais le lendemain, c'était nos couleurs. Les couleurs de guerre. Les couleurs de guerre. On se baladait dans l'avant-match avec tout le monde de la Saskatchewan qui était en vert. Deux Gorlots qui étaient en rouge et en or, qui se baladent avec Jason Clermont, Étienne Boulay. On est hyper bien entourés. Écoute, les gars de la CFL, ils étaient là. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas nous autres les vedettes aujourd'hui, c'est vous autres. On s'est fait arrêter partout. Tout le monde, hey, Laval! Chaque fois que quelqu'un était un francophone, un anglophone. Tout le monde. Écoute, les gens qui étaient impliqués dans la Coupe Grey, tout simplement, qui étaient là pour l'avant-match et tout. Les gens nous arrêtaient pour se faire prendre en photo avec exactement. Eux. Il y avait Étienne Boulay, Jason Clermont en arrière qui passait pour de purs inconnus. Les gens, hey les gars, on peut se faire prendre en photo avec vous autres. La télé, la radio aussi. C'est bon, ça. Écoute, c'est j'avoue que c'est, le prix était le fun, mais d'une certaine façon, la reconnaissance qu'on a eue d'être là-bas, que d'être des partisans de l'Université Laval, je pensais pas que ça pouvait être at large comme ça à travers le Canada. Ça a été un magnétisme assez incroyable. Absolument. Puis, écoute, on se ramasse au match de la Coupe Grey. Peu importe, mais des problèmes de billets. On se balade d'une place à l'autre dans le stade pour terminer dans la loge du président de la Ligue canadienne de football. Dans la loge, nous attendait, pour moi, une belle surprise. Puis ce qui est bête, c'est que là, j'ai un blanc de mémoire. Daniel Negreanu, pour les amateurs de poker. C'est le plus grand Canadien. Le plus grand Canadien au poker. Ça fait partie vraiment du top 10 des joueurs. Écoute, qui était là, première affaire, qui nous dit « Hey, Laval! » On a eu la chance de se faire prendre avec lui. Un vrai amateur de foot. Je me demande encore si c'était nous qui voulait se faire prendre en photo avec lui ou bien lui qui voulait se faire prendre en photo avec nous. Je pleure parce que je me rends compte que je suis le seul qui n'était pas là là-dedans. C'est vrai, ben on remarque que... Ça a été tout un trip, sérieusement, puis merci. Écoute, ce trip-là, on ne l'aurait pas gagné non plus sans les gars du Tailgate qui étaient avec nous autres toute l'année. Absolument. Les gars, on vous aime beaucoup, merci énormément. Mais et voilà, on a passé un beau voyage, on a bu une coupe à votre santé. On a bien profité, mais bon... On va mettre une publicité de Chunky sur la Val-France. Ouais, écoute, je pense qu'on en a fait assez pour eux maintenant. Bon, là, c'est belle fun, les voyages et tout, mais il faut revenir ici dans notre Québec. Et notre Québec... excuse-moi, Charles-Éric, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. J'ai eu peur d'avoir dit quelque chose de pas correct. Juste avant qu'on continue, juste pour vous dire, on n'a pas la même technique habituelle. Vous avez reconnu le son, là. On est un peu à dernière minute. On a eu quelques problèmes de studio, donc on est dans un studio extrêmement improvisé. C'est pour ça que vous n'avez pas la même qualité à laquelle vous êtes habitué d'habitude. Et je joue au technicien ce soir. Bon, là, c'est temporaire. Je vous dirais que la prochaine fois, on va être déjà organisé autrement. Mais bon, l'important, c'est le propos, comme on dit. Hein? Alors, on va continuer avec du bon propos. On retourne dans Conférence Québec pour parler un petit peu, voir comment les choses vont se passer cette saison. C'est-à-dire que on connaît pas les équipes, mais il y a des choses qu'on sait qui vont se présenter. La personne à laquelle je pense, moi, c'est Jamal Lee avec Bishop. Je sais pas si, Luc, toi, tu t'attends à ce qu'il puisse nous sortir encore une performance aussi exceptionnelle. Mais... Ben, je pense que c'est un fier compétiteur. Puis l'année dernière, il a établi un standard. Puis c'est évident que pour lui, j'imagine dans sa pensée, c'est qu'il veut faire mieux que ce qu'il a déjà fait en tant que compétiteur. Donc c'est sûr que pour la saison qui arrive, je suis persuadé qu'il va avoir une belle saison encore cette année. C'est sûr qu'une saison, pour nous, bien que ce soit 8 matchs de saison régulière plus les séries éliminatoires, ça reste que c'est long, puis c'est un processus semaine après semaine. Ça va commencer pour lui vendredi cette semaine, puis en plus, je crois que le match est diffusé à RDS, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir immédiatement. Où se situe Concordia et où se situe Bishop. Donc, on a un bon affrontement de diffuser à RDS. Mais d'ailleurs, Concordia, ça, c'est la même chose à chaque année. On ne sait jamais ce que Jerry va nous sortir chapeau du... Quand on dit sortir à la fin de son chapeau, là, Jerry, là, c'est pas un, c'est deux, trois, puis quatre. Exactement. Ah, il est incroyable, ce gars-là. Il est vraiment, vraiment incroyable. J'adore ce gars-là. Là. Sérieusement, c'est un plus pour la Ligue. Moi aussi, j'ai toujours aimé ses performances à Jerry. Hein. Puis c'est un gars hyper sympathique. Je le dis à chaque fois, là, c'est vraiment un gars super sympathique qui adore Laval, qui adore détester Laval, mais qui adore Laval en même temps. Ben, à la base, pour lui, c'est l'amour du football. L'amour du football, ben, ça a aidé énormément. En fait, c'est ce qui fait probablement que Concordia réussit à se démarquer à chaque année. Il attire des gens, lui aussi. Je pense que Glenn est un excellent recruteur. Je ne sais pas si le même principe s'applique à Concordia, mais j'ai l'impression aussi que Jerry y est pour beaucoup dans sa façon d'attirer les gens. Oui, ben c'est ça. Je connais un des étudiants où j'enseigne qui s'est fait recruter par Jerry. Là, il était en admiration pour Jerry, il adorait Jerry. C'était lui qui allait le voir. Il parlait de Jerry comme s'il parlait de Dieu le Père. Ben, ça nous amène à... Plus encore, je dirais. Et moi, ailleurs un peu dans la Ligue, là, dans la Conférence Québec, je pense que Concordia a toujours une excellente place. Ce que j'ai hâte de voir beaucoup, c'est si Bishop vont continuer leur ascension. Ils se sont améliorés beaucoup. Ils ont été dans le fond de cave très longtemps, se sont améliorés beaucoup, ils travaillent fort. Le coach fait de l'excellent travail là-bas. Je pense qu'il n'est vraiment pas étranger là, à ce qui se passe à Bishop. Puis moi, mes yeux sont beaucoup sur eux cette année. J'espère qu'ils vont continuer de s'améliorer. C'est sûr que si Bishop continue à s'améliorer, ben ça donne juste une égalité plus grande dans la Ligue. parce qu'on parle de Bishop, on parle de Concordia. L'autre équipe qui, pour moi, présente toujours une surprise, puis ça va être encore le cas cette année, selon moi, c'est Sherbrooke. Moi, c'est l'équipe que j'ai choisie pour peut-être donner la grosse opposition, on verra bien, là, à Laval. Giguère n'est plus là. On en reparlera un petit peu plus tard, mais dans le reste de l'équipe, Bolduc, c'est sa deuxième année. Il a installé son système. Je pense que c'est cette année qu'on va voir de quoi est réellement fait Sherbrooke. Ben, ça fait longtemps qu'on parle de Sherbrooke comme une équipe qui va devenir compétitive, tout ça. Mais on l'attend, ils ont fait les séries une fois depuis 2003. Moi, je serais content de voir Sherbrooke donner l'opposition aux autres équipes, puis même finir deuxième ou troisième. Oui, très franchement. Mais honnêtement, je suis peut-être un peu pessimiste. À partir de cette année, c'est peut-être plus la seconde vague qui embarque du programme. Ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, 5 ans je crois qu'il existe, que Sherbrooke est arrivé. Oui, 5 ans, parce que 6 ans. Ça va être la sixième saison, à mon année recrue, ça faisait un an qu'il était là. Donc, c'est vraiment une seconde vague. Les vétérans de cinquième année qu'il y a dans l'équipe, ça aurait été des gens qui sont arrivés en même temps que moi, donc qui étaient dans la naissance du programme. Donc, c'est vraiment, le recrutement qui s'est fait dans les dernières années va peut-être pouvoir briller un peu plus cette année. Là, les individus qui ont été recrutés, qui jouaient dans l'ombre des joueurs fondateurs de l'équipe. En fait, Sherbrooke, leur première année a tellement été pathétique qu'on peut quasiment considérer que... je sais pas combien de joueurs sont revenus l'année d'après, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas d'affaires là, mais... C'était de 2003 à 2004, Sherbrooke, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements, les changements de... Ce qui fait que beaucoup de recrues datent de 2004, dans le fond. Ouais, puis juste à voir avec le changement, la bataille qu'il y a eu pour le poste de corps arrière suite à la départ de Marc-André Touga, je pense que ça a permis de voir briller Chouari. Oui, Philippe Chouari. Et puis, il y a Charles Saint-Martin aussi qui est là, qui peut donner, une compétition aussi au niveau des carrières là-bas. Je pense que, donc, c'est juste positif aussi pour eux. Puis, c'est des jeunes joueurs. C'est des joueurs qui sont à quoi, leur troisième année cette année? Oui. Donc, on parle encore de joueurs qui sont capables de donner 2 ans au programme. Donc, je pense que c'est là, que c'est là qu'on voit la deuxième vague du programme de Sherbrooke qui commence à prendre leur place dans l'équipe. Ils ont perdu Pierre-Luc Labbé, si je ne me trompe pas aussi. C'est une grosse perte. Une grosse perte. Puis juste parce qu'on parle de Sherbrooke... Et de perte. Et de perte, oui, exactement. Je veux juste parler de la performance de Samuel Giguère. Oui. Qui continue avec les coachs. Je sais pas quoi dire de plus, dans le fond. Puis, je pense qu'il y a juste une chose à dire. Peu importe qu'est-ce qui va arriver avec lui, avec les coachs, s'il est là pour être un con à l'entraînement, ou peu importe ce qui va lui arriver à Sam Giguère sur l'équipe d'entraînement, il y en a plusieurs qui ont parlé que Canel seulement est un con et seulement être là pour donner de l'opposition, donner une solide opposition au débit. Mais quand même, moi, j'ai juste une chose à dire à ce gars-là, bravo. Bravo, il a travaillé fort, il a travaillé dur, il s'y est rendu. Maintenant, il est en très bonne position pour bien faire encore. Je pense qu'il a le gabarit pour le faire. Il manque peut-être encore un peu d'aptitude pour réussir vraiment à percer un alignement, ne serait-ce que comme réserviste et non plus sur l'équipe d'entraînement. Mais il est jeune, il est capable de le faire encore, il peut apprendre énormément. Je pense que tout est possible pour lui. Pour Samuel Giguère. Ah oui, tout se peut, regarde. C'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. Point de vue joueur, c'est vraiment exceptionnel de réussir à passer de la Ligue du circuit universitaire canadien à la NFL directement. C'est sûr qu'il n'est pas sorti. Après 3 ans. C'est ça, exactement. Après 3 ans, on ne parle pas d'un vétéran 4e, 5e année qui a peut-être réussi à passer quelques années dans la Ligue canadienne puis ensuite aller essayer dans la NFL, non. Lui, il a fait directement le saut de un à l'autre. Puis, il a quel âge? 21 ans, 22 ans, je crois. C'est comme ça. Donc, c'est comment dire? Il est vraiment jeune. Moi, j'ai commencé universitaire à 21 ans. Donc, lui, déjà à sa troisième année. Puis, Oui, mais on le sait, les Ontariens nous le disent à chaque année, les joueurs du Québec sont trop vieux et sont trop gros. Ouais, ça va toujours rester d'excuse. Il reste une dernière équipe, Montréal, on n'en parlera pas parce qu'on en a déjà parlé au début. Ceux qui ont traîné le plus de la patte l'année passée, c'est bien sûr, c'est McGill. Sérieusement, je pense que ça va être la surprise. On va voir comment ils vont se débrouiller contre Sherbrooke samedi soir. Je ne sais pas si quelqu'un s'attend à quelque chose de spécial. Peut-être non, quelques surprises, mais... Je dois avec Matt Connell. Mais je dois avouer que McGill, j'ai pas trop regardé qu'est-ce qu'ils ont fait durant la saison morte, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher comme recrutement. Mais franchement, je pense que McGill a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à rattraper là, pour rattraper les autres programmes. Je pense qu'ils ont besoin un peu de se revisiter, malgré que ce soit, tu sais, c'est le plus vieux programme de football au Canada. Ils ont besoin de se revisiter un peu, de revoir leurs choses, d'attirer plus de gens. Je pense que ça commence par là, la reconstruction du programme, là, tout simplement, plus que la reconstruction de l'équipe. OK. Là, je vais passer un peu du coq à l'âne, là. Tu parles de reconstruction d'équipe. On quitte la conférence Québec. Tantôt, c'est un sujet qui tenait cœur à bout. Je veux vous dire, j'ai failli cesser d'être un fan du Rouge et Or. Puis tout ça parce que... Ah, parce qu'en fin de semaine... Écoutez, c'est pas la première... C'est pas la première semaine de football. Hein, en fin de semaine passée, il y a eu des matchs. Alors, il y a l'Université de Toronto, le cher Varsity Blues de Toronto, qui ont gagné. Contre Waterloo. Mais pour la première fois depuis... Écoutez, ça faisait 49 matchs en ligne qu'ils perdaient. Ça veut dire 49 matchs. On peut penser qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait leurs 5 années à Toronto et qui ont juste perdu. Et la dernière fois qu'ils ont gagné, c'est le 13 octobre 2001. Ouch! Ce qui fait que c'est leur deuxième victoire du millénaire. On peut parler de reconstruction. Il n'y avait aucun militaire nord-américain en Afghanistan à ce moment-là. On aurait dit qu'on est là depuis toujours! J'espère pour eux que ça va continuer comme ça, parce que sérieusement, nous, on est chanceux, on a une équipe qui gagne. Mais encourager une équipe qui perd pendant 49 matchs, ça prend des gens là, d'une patience incroyable. Ce qui est impressionnant, je vais mettre les liens, il y a deux films sur YouTube, je vais mettre les liens sur le forum, c'est voir les gens qui sont... Ils s'exclament, ils sont tellement... heureux, là, victoire. On aurait dit qu'ils venaient de gagner le Super Bowl, là. C'est incroyable. Vous irez voir les films de ça sur le site web. Parlant de films, juste parler de l'annonce qui a été faite récemment par le gouvernement fédéral, donc la construction du Super Peps qui enfin va se faire. C'est une bonne nouvelle. Ceux qui veulent voir de quoi ça va avoir de l'air, parce que le stade de football va enfin avoir des lumières. On va pouvoir peut-être changer de case horaire de temps en temps. J'adore que les matchs en après-midi, mais une fois de temps en temps, ça serait le fun, un petit match de soirée. Puis ne serait-ce que pour vous autres. Bien, à l'entraînement, vous avez un système de lumière, mais j'avoue, quand tu le vois, c'est quelque chose. Oui, puis il y a des petites émanations aussi. Exactement. Ça fonctionne à l'essence. C'est donc, pas brillant du tout. Hein? Non, c'est subtil comme pour mon entraînement de marathon, j'avais l'habitude d'aller courir justement pendant vos entraînements pour regarder l'entraînement et tout. Je t'avoue que c'était mes pompes pour l'asthme. En finissant, c'était quelque chose. Ouais, pour nous, c'est quand même... on est content de les avoir parce que sans ça, pas de lumière, ça n'allait pas super bien. Ça n'aurait pas de bon sens, c'est ça. En automne, nous, surtout, ça nous permet de continuer. Fait que c'est... Donc, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, allez sur le site de Laval Fans. On a le lien vers le Super Peps. En fin de semaine, bon, on en parlait tantôt, ça va être Laval contre les Carabins. C'est aussi le moment du premier véritable gros tailgate de l'année. Il y a quelques petites choses que je veux dire là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup déjà de grogne, puis le tailgate n'est même pas encore installé. Cette année, ça ne devrait pas être possible de pouvoir s'installer la veille, comme ça a déjà été le cas par rapport aux autres années. Et un autre point bien important, ça ne sera peut-être pas le cas en fin de semaine, mais c'est plus possible non plus de faire des feux dans les ce qu'on appelle les petits foyers avec des grilles métalliques. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ben pas improvisés. Les trucs qu'on achète chez Canac à 45$. Ça sera plus possible maintenant de les avoir. Et dernière chose, la personne qui s'en occupe, Shirley Anne, que vous connaissez tous, L'université veut commencer à faire une consultation publique, à savoir comment le tailgate devrait se dérouler. Donc, du 7 au 28 septembre, nous, il va y avoir un lien sur le site web pour que les gens puissent donner leur nom à Shirley-Anne pour pouvoir donner leur avis sur ce que devrait être le tailgate. Parce qu'avec le Super Peps, déjà là, j'ai vu le stationnement, ça change énormément. Donc, on va voir comment les choses vont se placer. Et je parle de tailgate et j'ai peur d'oublier un élément. Puis encore là, allez voir un peu sur le site web, dans la section tailgate. J'ai trouvé le bidule le plus incroyable. En fait, je devrais me l'acheter. Non? Plus que le couleur qui roule tout seul. Plus que le couleur qui roule. J'ai trouvé deux hamacs à accrocher après un hitch de pick-up. Donc ça, c'est la version que, sérieusement, j'ai de la misère à comprendre que quelqu'un a déjà pensé à ça. Mais allez le voir, c'est quand même un truc assez le fun. Là. Je suis sûr qu'ils ont des pick-up qui veulent l'essayer, c'est 150$ américains. Et l'autre truc que j'ai trouvé, puis là, ça, c'est surtout parce que ça vient avec une image d'une fille en bikini. Puis ça s'appelle le Beer Belt. Vous pouvez aller sur beerbelt.com. Et c'est une espèce de ceinture sur laquelle on peut mettre 6 canettes de bière. Donc, on peut se balader, puis aller voir justement les autres membres du tailgate et traîner en bon français sa petite broue. Donc, c'est ce qui conclut la petite portion tailgate. On approche de la fin de l'émission. Encore une fois, comme à chaque fois, on parle beaucoup. On a trop de plaisir à parler d'un sujet qu'on connaît tous bien. Avant de conclure, je veux dire un gros, gros, gros merci à Luc d'avoir accepté de venir dans notre petit studio improvisé. Écoute, j'espère que tu as aimé ton expérience. Ben oui, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi. Hey puis, Luc, avant que tu quittes les Alouettes, oui. On continue l'année prochaine? Ben comment dire, je suis encore avec les Alouettes pour l'année prochaine, puis je vais retourner au camp d'entraînement, puis je vais tenter de faire ma place avec l'équipe. Sans ça, je vais revenir quand entamer ma maîtrise à l'Université Laval, puis je vais continuer à encourager le Rouge et Or. Le 68 va être libre? Oh, avec oui. Les Alouettes? Oh, Il y a des chances. Il y a des chances, mais comment dire, ça c'est une décision qui va en venir, qui est personnelle à l'individu en question, Brian Chu. Donc, je crois qu'ils ont une bonne saison cette année sur la ligne offensive, puis ils démontrent encore de très belles choses en tant qu'unité. Je pense qu'actuellement, ils sont justement meneurs au niveau de la Ligue canadienne pour le moins de sacs accordés. Donc, c'est une statistique de O-line. Puis, en fait, c'est une statistique qui est négative parce qu'on ne veut pas accorder de sac, mais en même temps, comment dire, on ne peut pas les éviter non plus. Fait que tant qu'à avoir cette statistique-là, on tient à la réduire au maximum. Donc, je pense qu'ils font encore très bien cette année. Puis, ça va être une décision difficile aussi d'accrocher ses crampons pour lui. Donc, comment dire, moi, ça ne me dérange pas. Je prendrai n'importe quel autre numéro. Cool. Écoute, c'est ce qui va conclure en fait notre première émission de Laval Fan. Je remercie Beau à chaque fois qui vient nous sortir des statistiques sur. Ben là, j'ai été tranquille. Là. Tranquille, mais c'est le début de saison. On en parlait tantôt. C'est le début pour tout le monde. Donc, je sais que ça va venir. Les statistiques vont grossir. Tu vas réussir à nous en dénicher comme à chaque fois. Le genre de truc que personne n'a vu. La pression est là. Exactement. Toi, Charlie, ben. Cette année, tu vas encore poursuivre avec les photos. On va être sur les lignes de côté encore une fois, puis on va essayer de vous amener dans le match le plus près possible. Alors, je vous remercie tous pour votre présence et à la prochaine émission de Laval Fans, la semaine prochaine.